L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de votre radio locale. Une fois par mois, c'est l'apostrophe, l'émission. Émission coproduite par l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et par votre radio locale RGB. Nos invités aujourd'hui, c'est le chorégraphe Rachid Ouramdane pour la chorégraphie, le spectacle Police, une variation poétique autour des forces de l'ordre, à la manière d'un poème polyphonique et engagé. Nous aurons Isabelle Morisot, Bruno Ladet et Aline Polos pour les rencontres interscolaires des arts qui auront lieu les 19 et 20 mars à l'apostrophe au Théâtre des Louvrés à Pontoise pour le Melting Pot édition 2014. Et bien naturellement, notre invité permanent dans cette émission, Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe, avec qui nous ferons le point sur les escales danses en Val d'Oise pour cette année 2014. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jean-Joël Le Chaplin, l'occasion peut-être d'abord, avant de rentrer dans le détail de la programmation, de présenter pour nos auditeurs Escale Danse en Val d'Oise, une action départementale qui en est à sa 14e édition en cette année 2014. Alors Escale Danse en Val d'Oise, c'est une, à l'origine une initiative de Feu la Diam, puisque la Diam a été intégré il y a quelques temps dans les services du Conseil Général, mais qui avait toute une action en faveur précisément de la danse à une époque où, dans les années 90, où cet art n'était pas fortement présenté sur le département du Val-d'Oise. Et donc cette initiative a été largement relayée par l'ensemble des partenaires qu'elle a associé et qui sont des institutions comme la scène nationale ou la scène conventionnée du Théâtre Paul-Éluard de Beson, mais aussi des services culturels, des associations qui font de la culture, etc. et qui depuis lors, c'est-à-dire maintenant depuis 2000 à peu près, se rassemblent tous les ans pour créer un événement qui a véritablement et une configuration et un rayonnement départemental, puisque nous sommes 13, 14, 15 quelquefois à nous associer pour ces programmes. Et donc, il a été au fil des temps structuré en trois grandes directions. Un événement qui a lieu dans une ville et qui est soutenu par plusieurs autres. Donc ça veut dire que c'est pas toujours la même ville et que c'est pas toujours les mêmes partenaires exactement. Mais enfin, en tout cas, il y a un mouvement qui est possible dans cette dynamique de créer un événement autour d'une œuvre chorégraphique particulière. Il y a un soutien à la création tous les ans qui est choisi par les membres du réseau et qui apporte une part significative pour la production des spectacles concernés. Et enfin, une diffusion des formes les plus représentatives du moment sur la danse contemporaine dans ses multiples aspects. Et donc ces trois volets constituent tous les ans un programme qui occupe trois semaines à peu près au printemps, juste avant les vacances de Pâques, et qui est maintenant un événement bien repéré. Des représentations, mais aussi, particularité de cette action, des rencontres avec le public. C'est l'occasion effectivement de donner l'envie d'en savoir davantage sur le travail des chorégraphes. Oui, alors il y a plusieurs types de rencontres qui sont organisées. Il y a tout un volet d'action culturelle qui est fait avec les relais habituels des théâtres et services culturels qui sont rassemblés. C'est évidemment des processus d'accompagnement des œuvres qui sont montées par les artistes. Et puis également toute une série de rencontres avec le public pour évidemment aborder ces questions et aussi des sortes d'ateliers, si on peut dire, où le public est amené lui-même à entrer dans la danse, si on peut dire. Dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise, on aura tout à l'heure l'occasion d'entendre plus précisément l'un des chorégraphes qui se trouve à l'affiche de cette action et qui proposera son spectacle au Théâtre des Louvrés à Pontoise le 2 avril prochain. C'est Rachid Ouramdane pour le spectacle Police. Sans le présenter, puisque Rachid va prendre le temps largement de présenter cette création et tout ce qui a été nécessaire dans sa rencontre avec avec à la fois l'auteur et le compositeur. Juste deux, trois mots concernant Rachid. Oui, c'est un artiste qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises. C'est l'un des grands chorégraphes français qui a été associé à plusieurs établissements, notamment le théâtre de Gennevilliers, et qui a un geste artistique qui se préoccupe beaucoup de la relation à la population, de la relation à l'histoire, lui-même étant un fils d'immigrés, et donc il a sur ses deux pieds dans son histoire personnelle, les deux pieds au-dessus de la Méditerranée, qui lui confère, bien qu'étant complètement un citoyen à part entière de ce pays, qui lui confère une vision un petit peu particulière dans son geste de chorégraphe, notamment dans la relation avec son père, qui était combattant et dont il a fait plusieurs pièces autour de cette thématique. Et donc cet artiste est absolument essentiel dans le regard qu'il porte sur la société, ce qu'il essaye de traduire dans ses propositions chorégraphiques sur le plateau. Oui, je le redis, c'est un artiste essentiel. Et dans cet opus Police, là où il associe un certain nombre d'habitants de l'entourage, de population, de gens qui vont travailler avec lui, issus à chaque fois du milieu, eh bien, on est là dans une recherche de correspondance qui est significative aujourd'hui et qui parle, enfin, qui a beaucoup de sens. On le retrouve dans un instant sur l'antenne de RGB. Prochainement, à l'affiche. Rachid Ouramdan, on va parler en effet d'un spectacle, d'une création qui sera présentée au Théâtre des Louvrets, à l'apostrophe donc à Cergy Pontoise, le 2 avril prochain. Alors, un spectacle particulier, je crois que le projet artistique repose sur une question à laquelle vous apportez nécessairement une réponse ou un élément de réponse au travers de votre création. Que peut la danse que les livres d'histoire ne peuvent pas ? Et vous vous êtes emparé d'une matière textuelle autour du thème de la police, des forces de l'ordre et des méthodes de répression, c'est bien cela ? Oui, en fait, c'est vrai que souvent, le travail que je mène se frotte à des sujets qui font débat dans la société d'aujourd'hui. Et souvent, les pièces m'amènent à rencontrer des personnes avec lesquelles je vais réfléchir d'une thématique, ou voire même qui sont concernées. Concrètement, dans le passé, j'ai travaillé avec des réfugiés politiques, j'ai travaillé avec des réfugiés climatiques. Il y a toujours en arrière-fond une sorte de réflexion sur l'exil, avec une dimension documentaire, une dimension de témoignage. Et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer l'auteur Sonia Chiambretto, qui a écrit ce livre « Police au pluriel » avec un point d'exclamation, parce qu'elle, comme moi, on s'est retrouvés autour de cet intérêt pour le réel qui nous entoure, et ensuite on le tord, on le transforme, on le poétise, on le met sur scène. Et cette façon de partir du témoignage, de collecter des documents, C'est présent dans l'écriture de Sonia, et son texte, Police, est une œuvre un peu composite avec des choses qui sont en même temps des archives préfectorales, les archives du procès Papon, des documents administratifs, des articles de journaux, des choses qui sont plus de nature littéraire qu'elle écrit. Et ça tourne autour des limites de la démocratie, c'est-à-dire qu'en fait, au travers de différents fragments de textes qui concernent la police, et surtout autour de moments peu glorieux de la police française, des bavures ou des collaborations, le Veldiv, octobre 61, les Algériens dans la Seine, Sonia a développé un texte qui nous montre combien ceux qui sont là pour protéger nos libertés, pour protéger nos démocraties, quand ça dérape, quand eux dérapent, on perd ce que l'on a de plus précieux. Et c'est je ne sais pas si j'apporte des réponses à quoi que ce soit, mais en tout cas, il est certain qu'il y a l'envie, au travers de ce type de projet, d'appeler à une certaine vigilance. Alors, ce qui est particulier, c'est que autour de cette histoire de l'institution policière française, c'est, comme vous l'avez indiqué, on part de 1940, des années 40, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce à dire qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, de confusion entre ces périodes tragiques de l'histoire avec l'institution policière d'aujourd'hui, la police contemporaine ? Oui, De toute façon, attention, hein, j'insiste bien sur des bavures policières. Ce n'est pas un projet sur la police. Hein, parce d'accord. Que sinon, on met un peu tout le monde dans le même sac. Et c'est pour ça que je viens de parler de la nécessité d'organismes de contrôle pour préserver nos libertés, pour préserver nos démocraties. Mais yes. Lorsqu'elles dérapent, combien cela devient dangereux. Donc, oui et non, parce que malheureusement, comme on le sait tous, hein, l'histoire se répète. Et c'est ce pourquoi il faut tout le temps rester attentif à ce qu'on laisse se mettre en place. Donc bien sûr que ce n'est pas la même chose. Heureusement, il n'y a pas de rapport direct entre le vélodrome d'hiver et aujourd'hui parfois des bavures policières dans les cités parisiennes. Mais ce qu'on essaye de repérer, c'est beaucoup plus des modes de fonctionnement et surtout comment finalement les citoyens vivent leur rapport à la police. Je crois que c'est aussi ça qu'on essaye de sonder, c'est-à-dire comment on se représente le juste, le droit, en fonction de la relation qu'on a avec les autorités. Et le texte de Sonia débute par des témoignages d'adolescents qui sont dans un rapport quotidien, plus prononcé à la police, parce que voilà, la police fait plus partie de leur quotidien que pour d'autres personnes. Ils sont plus souvent amenés à les rencontrer, à les croiser. Et voilà, on voit comment on se construit un certain rapport à l'autorité et qui, quand on creuse un peu, surtout quand on est enfant, qu'on devient adolescent et adulte ensuite, comment ces valeurs-là sont parfois un peu floues, un peu troubles. Là, entre autres, dans le texte, on voit bien qu'il y a un enfant qui essaye de dire ce qui est juste à ses yeux et ce qui ne l'est pas. Et que c'est pas tout à fait courant, cette façon de voir de la justice à certains endroits et pas à d'autres. Alors, son texte, je serais tenté de dire ses textes, parce qu'il y a une matière textuelle très fournie, très abondante, à tel point que vous avez parlé même de dimension polyphonique du texte de Sonia Chiambretto. Chiambretto, oui. Pardon. Quand elle a voulu me confier ce texte, parce que c'est elle qui est venue me voir après avoir vu une de mes pièces, et elle m'a demandé si je m'intéressais à ce texte. Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, j'aimerais bien d'abord le lire. Je l'ai lu d'abord, ensuite je suis allé l'écouter, parce qu'elle faisait une lecture de ce texte, et très vite ce qui m'est apparu, oui, c'est la dimension rythmique, musicale, et puis aussi la foule qui est là en permanence dans ces textes, aussi bien dans les registres de voix qu'elle prenait, qui étaient différentes. On passe d'un témoignage d'enfant à celle des manifestants d'octobre 61, à celle d'un lieutenant qui entraîne une brigade de CRS. Donc on est tout le temps en face d'une foule, et avec une présence de l'enfance, hein, comme je disais, c'est ces témoignages d'enfants qui tentent de se positionner par rapport à ce qu'ils comprennent de ce qu'est l'autorité en France, de la police. Et je lui ai dit, ça me semble évident que ce projet doit être porté par des enfants et par une foule. Et c'est ce qui a motivé le choix d'une équipe d'habitants, une population qu'on rejoint à chaque fois dans la ville dans laquelle se donne ce projet. Et je construis le spectacle avec eux. Donc c'est pas un spectacle qui est réalisé avec des professionnels. Je tiens à ce que les spectateurs qui viennent s'asseoir dans le gradin s'identifient, se reconnaissent à ces gens qui sont sur le plateau, parce que ça aurait pu être eux. Et cette foule qui n'arrête pas de se transformer, hein, c'est une variation chorégraphique autour de la marche, de la parade, du défilé. Elle n'arrête pas de changer de statut. Elle endosse à un moment donné le rôle des manifestants, de victimes, ou au contraire de groupes d'intervention. Et voilà, je crois que la métaphore de ça, c'est aussi de voir comment une foule se manipule, se transforme, s'uniformise, et comment on peut manipuler une opinion aussi, faire adhérer des gens à une idée pour ensuite leur faire faire ce que l'on veut, ce qui est aussi un peu présent dans le texte de Sonia, quand on voit comment, à un moment donné, peut-être la police aussi a été manipulée pendant octobre 61 en diffusant des informations qui allaient sur les ondes de la radio de la police, qui allaient les galvaniser, les autorités, qui allaient créer une sorte de haine vis-à-vis des manifestants qu'ils allaient avoir en face d'eux. Ben, voilà, tout ça, tout ce travail sur une foule en scène, résonne de ce texte et et ça me semblait vraiment important qu'on soit sur du geste spontané, qu'on puisse se dire c'est bah effectivement les gens que je vois, ça peut être moi aussi, et cette proximité en allant chercher donc des amateurs, des habitants des villes, et que ce soit une sorte de geste citoyen que de s'inscrire dans ce geste artistique là, ça me semblait important. Alors, on est dans une variation, voire une transposition chorégraphique et chorale, à cela en complicité avec un compositeur, Jean-Baptiste Julien, et aussi avec la participation d'une chorale. Oui, alors, c'est vrai que les enfants, en fait, j'ai orienté le choix vers des enfants capables de chanter, parce que bah, très tôt dans le texte est apparu des moments qui, comme je disais, nous parlent d'abord dans leur musicalité. Il y a une écriture aussi chez Sonia, avec beaucoup de répétitions, de sortes de litanies, et voilà, on s'est dit avec Jean-Baptiste Julien, le compositeur avec lequel je travaille, qui est bien sûr un compositeur, un musicien, mais qui a aussi une vraie réflexion sur l'espace, sur comment on construit un espace sonore, on s'est dit que bah, toute la pièce serait intéressant que ça résonne un peu comme des documents, comme des archives, celles qui sont utilisées par Sonia, mais aussi peut-être celles qui ont disparu, ou faire de ce spectacle une sorte de document d'histoire. Donc c'est une installation à partir de machines qui sont des bandes magnétiques, des Revox, hein, dans l'imaginaire collectif, vous savez, ces machines de son avec des bobines qui tournent. Des grandes bobines. Exactement, qui font toujours partie, oui, d'une sorte d'imaginaire de la surveillance ou de la déposition qu'on enregistre. C'est toujours des appareils qui sont là pour capter du son. Donc c'est une installation de bandes comme ça qui, par moment, distribue le texte, donne à entendre des documents d'archives. Et puis cette scène est traversée par des mouvements d'enfants, cette mini foule d'enfants qui chantent des passages du texte et qui proposent une sorte de décollement lyrique comme ça, qui juste il y a une sorte de stratégie comme ça un peu tragique à mettre en chant et à créer du beau à partir de choses qui sont atroces, mais non pas pour esthétiser ces atrocités, bien au contraire, c'est pour les rendre peut-être d'autant plus violentes, d'autant plus crues par un effet de contraste. Quand vous parlez de technique sonore, s'il y a, comme pour les gens de radio d'ailleurs, on est souvent invité à rendre visible l'invisible, à rendre visible le sonore. C'est un peu le cas dans votre travail de chorégraphe. Oui, bah c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que on utilise les mots par moment, hein, pour s'exprimer, pour mettre il y a du texte dans les pièces de la compagnie, dans ce que je peux travailler, mais j'utilise le chant, j'utilise la danse des fois comme pour aussi exprimer ce que les mots ne disent pas, le hors-champ, le hors-texte, et c'est pas tant ce que les mots ne disent pas, mais peut-être de donner à entendre des mots un peu autrement. Je vais vous prendre des exemples. Par exemple, pendant longtemps, j'ai fait une pièce à partir de témoignages de gens qui avaient subi des actes de torture, et un spectacle qui s'appelait Des témoins ordinaires, et qui débute par le témoignage d'un jeune auteur rwandais qui avait été témoin du génocide au Rwanda, et ensuite voilà, il s'exprime pendant une dizaine de minutes et se développe une très lente chorégraphie d'une demi-heure jusqu'à un moment d'une très grande virtuosité avec une danseuse de la compagnie qui tourne sur elle-même, qui mène un mouvement assez rare. Elle peut tourner pendant très longtemps à une très très grande vitesse, donc c'est vrai que quand on est spectateur de ça, on se demande comment c'est possible, on se demande comment elle tient debout, comment elle peut encore résister à ce mouvement qu'on a l'impression la malmène, alors que ce n'est pas le cas. Et souvent, voilà, il y a un débordement d'émotions à ce moment-là. Mais c'est comme le point final du témoignage qu'on a entendu en début de pièce. C'est-à-dire que si je l'avais vu que tourner, je ne me mettrais pas dans cet état émotionnel. Alors que parce que ça fait une demi-heure qu'on est plongé dans des corps qui se déplacent lentement et ce tourbillon qui commence à prendre, ça vient comme... On a un temps pour digérer les témoignages, pour digérer les mots et prendre ce temps avec les témoignages qui nous sont confiés, et ben, des fois, ça nous permet de réfléchir un peu plus, de creuser leur sens et peut-être, comme je disais tout à l'heure, de les entendre autrement que... uniquement livré dans le journal télévisé de façon rapide entre la pub et la météo. Donc voilà, c'est un peu ça que je cherche au travers de la danse et de tout le travail qu'on peut mener sur scène avec la vidéo, le chant, la musique, c'est de créer un espace sensible qui est comme une caisse de résonance pour des témoignages qu'on connaît souvent d'ailleurs, qu'on a l'habitude d'entendre, mais le fait de les déplacer dans cette expérience artistique fait que peut-être on va les entendre autrement, un peu plus profondément, de façon peut-être plus nuancée. En tout cas, c'est ce que j'espère faire. Avec cette création, comme un peu avec vos précédentes créations, c'est une question qui se pose effectivement quand on est dans un acte créatif comme celui-ci, c'est... on dit de vous que vous brouillez parfois les frontières entre création et transmission. Est-ce à dire qu'effectivement, cette nouvelle création participe de cela? Au-delà de la création, il s'agit d'une œuvre de transmission? Oui, c'est vrai que je pense que l'art fait partie de mon quotidien. Je pense que si je pratique l'art de la scène, c'est d'abord pour parce que c'est un formidable espace de liberté, un formidable espace d'expression et de débat. Et c'est vrai que l'art pour l'art ne m'intéresse pas. Lorsque l'art m'interpelle sur ce qui m'entoure, oui. Et c'est pour ça que travailler avec des amateurs ou avec des professionnels, enseigner ou créer une pièce, tant qu'on est dans un échange de sensibles, quel que soit le cadre, ça m'intéresse et j'essaie d'amener la compagnie à cet endroit-là. Donc je crois que nos spectacles finalement ne font que partager nos expériences de rencontre qu'on a au quotidien. Comme je disais, souvent les pièces partent d'abord de la rencontre avec, je donnais cet exemple des réfugiés politiques, où j'avais fait ce projet à Gennevilliers avec ces jeunes sportifs, avec des jeunes sportifs de haut niveau, mais qui pour la plupart étaient issus de l'immigration. C'était une façon de faire des portraits d'adolescents. Parce que lorsqu'ils parlent de leur passion, lorsqu'ils parlent du sport, finalement, ils nous racontaient toute leur vie et surtout le chemin que ça avait été pour eux de se reconstruire dans un ailleurs, en France, d'acquérir la nationalité française, de porter les couleurs d'une nation qui n'est pas celle de leur origine, donc ce métissage, tout ça. C'était, une fois de plus, réfléchir le monde tel qu'il est et tel qu'il nous entoure, c'est-à-dire faire ces mélanges de cette diversité. Et c'est ça, en fait, pour moi, faire de l'art, c'est de partager ces moments-là de rencontres, d'échanges, et qui peut-être nous font regarder ensuite les choses autour de nous autrement. Donc oui, la séparation entre tout, création, transmission, tout ça est très doit rester pour eux, et c'est nécessaire que ce soit ainsi. Dernière question, par rapport effectivement à tout cet échange qu'on vient d'avoir autour de cette matière textuelle, de ce texte Police. Donc, il ne s'agit pas pour autant d'une forme pamphlétaire, d'un documentaire, d'une forme de reportage adapté à une scène de théâtre où un chorégraphe se saisit de ce sujet, de cette thématique. Oui, y a toujours une prise de position, mais en tout cas, j'essaye de ne pas être didactique. C'est-à-dire, ce qui me semble important, c'est de réunir des personnes pendant un temps pour nous interroger. Donc, on essaye d'éviter les idées préconçues, ou plutôt on s'y frotte, on essaye de mettre des personnes en réflexion par rapport au sujet qu'on amène. Donc on n'est pas là pour prêcher, mais on est là pour s'interroger. Et puis surtout repérer des choses qui parfois parfois peuvent sembler contradictoires et méritent d'être nuancées. Je crois que ce qui me dérange le plus parfois, et en tout cas merci de me poser des questions qui m'ont obligé à préciser le rapport à la police, parce que beaucoup de gens, effectivement, quand on dit police et que je dis ensuite qu'on traite des bavures policières, tout le monde pense dans un premier temps que c'est un projet contre la police et pas du tout. C'est pour ça que je dis bavure policière. C'est la notion de bavure, voilà, c'est un dérapage, c'est un accident, c'est parfois c'est prémédité, parfois pas. Mais en tout cas, voilà, on parle de cet écueil-là. Et je pense que il faut faire face à ces problèmes. Il faut pouvoir les aborder de façon nuancée. Donc voilà, le plateau, la scène, c'est un moment pour ça. C'est pas un moment de prêche, c'est vraiment un moment de réflexion partagée. Merci Rachid Ourandan. On vous espère très vite sur Cergy Pontoise. La date, c'est pour le mercredi 2 avril. Ça se produira à l'Apostrophe, au Théâtre des Louvrets à Pontoise, pour une représentation unique. Alors, on a parlé effectivement des gens du territoire, des habitants du territoire, de cette chorale qui nous viendra de la commune, je crois, de Gonesse, et aussi des professionnels de votre compagnie. Oui, il y a un mélange. C'est une grande famille qui se réunit à chaque fois entre les habitants et membres de la compagnie. Oui, il y a une friction entre des professionnels et des amateurs sur scène. Merci à vous. Merci. Nous allons retrouver dans un instant Abdel Malik qui sera en concert vendredi 14 mars à 20h30 à l'Apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise à partir d'un spectacle qui s'intitule « L'art et la révolte » d'après Albert Camus. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret. Des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et ces papiers, monsieur, s'il vous plaît, incessants, et c'est l'irrespect de l'humanité, des gens qui ne sont pas blancs, et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable, et c'est la dignité même qui devient une valeur. Je t'aime. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves, tués au grand jour. Prochainement, à l'affiche. Est-ce qu'elle danse en Val d'Oise? C'est comme on a déjà précisé pour cette édition 2014, 40 représentations, 16 chorégraphes, un réseau départemental, 13 communes mobilisées, avec parmi ces créations à découvrir Proximity de Gary Stewart qui nous vient, qui accompagne, qui dirige la compagnie de danse contemporaine qui est mondialement connue, Australian Dance Theater. Alors là, on est dans une rencontre entre la danse et d'autres univers, en particulier celui de l'image, de la vidéo. Oui, c'est devenu d'ailleurs sa spécialité et ce n'est pas un inconnu pour, pour le public Sergi Pontin, puisque nous avons accueilli il y a quelques années l'une de ses pièces phares qui s'appelait Gisèle, qui s'appelle toujours Gisèle, et qui est évidemment la vision très personnelle qui est la sienne de cet opéra, où déjà figurait en fond de plateau toute une série de LED et de lampes qui formaient un décor vivant et qui donnait finalement à ce spectacle une dimension en contrepoint qui allait finalement expliquer dans le réel du plateau d'autres aspects de la narration proprement dite de l'opéra. Alors là, il s'attaque avec Proximity à un prolongement finalement de cette démarche sur la question de la vidéo et des nouvelles technologies, en collaborant avec un garçon qui s'appelle Thomas Pachoud et qui va véritablement beaucoup plus loin dans cette exploration des formes audiovisuelles sur le plateau. Audiovisuel étant d'ailleurs un terme un petit peu suranné aujourd'hui, on dit plutôt des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui en effet sont plus de cet ordre-là, et on a à notre disposition lorsqu'on est sur le plateau de théâtre, et ce que manque pas de se saisir d'ailleurs les artistes, des outils qui finalement viennent mettre en abîme, en perspective une façon tout à fait forte de traduire un propos, et donc on n'est plus dans l'illustration finalement d'un texte ou d'une image corporelle ou du comédien, du danseur qui serait sur le plateau, mais bien une instrumentalisation au sens noble du terme de toutes ces technologies pour finalement constituer et créer le propos qui est celui de l'artiste sur ces nouvelles technologies. Donc là on est complètement dans le monde et dans l'univers dans lequel nous baignons, et il n'est pas anodin de remarquer que c'est une proposition qui nous vient des antipodes, l'Australie étant l'exact antipode de la France, et que cela illustre ainsi le fait que finalement, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète aujourd'hui, on est dans un partage d'approches technologiques, on est dans un partage de façons d'aborder le spectacle qui se nourrissent désormais des voyages, des mouvements planétaires, et que c'est tout à fait intéressant à considérer, à regarder. Et quelque part, ça nous engage à voir finalement autrement le rapport que l'on a avec la scène de théâtre. Avec l'idée pour cette création qu'on se situe entre monde réel et monde virtuel, une question centrale qui est au cœur en effet de son spectacle, et il apporte à sa manière des réponses, comment libérer les corps du poids de la pesanteur. C'est une véritable immersion visuelle façon psychédélique à laquelle nous sommes conviés, et cela pour le public. Deux dates à retenir: le samedi 22 mars à 20h30, le dimanche 23 mars à 16h, c'est à l'Apostrophe, au Théâtre des Louvres à Pontoise, spectacle événement dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise, où d'autres partenaires sont mobilisés pour ce spectacle et pour ces représentations, en organisant, je crois savoir, des navettes pour faciliter l'accès à la scène nationale. Oui, c'est le principe même de l'événement que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on appelle cela l'événement dans la mesure où c'est une œuvre remarquable à plusieurs titres qu'on en essaye de proposer sur une durée qui est elle aussi en général un petit peu supérieure à simplement une seule date, et que là on est sur plusieurs représentations aussi, et où les participants s'engagent finalement non seulement à soutenir financièrement la réalisation du projet, mais évidemment en faire bénéficier leurs spectateurs et mettre en place à ce titre tous les moyens de déplacement qui facilitent ces transports de personnes jusqu'au lieu du spectacle. Et en effet, chaque lieu, chaque ville qui est partenaire, organise des transports collectifs pour aller et le retour, bien sûr. Autre création, autre proposition dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise, autour du Sacre du Printemps qui a célébré ses 100 ans, son centenaire, c'était en 2013. On a tous en tête, en mémoire, même les plus jeunes enfants, le Sacre du Printemps dans sa version musicale, Stravinsky, mais un peu moins sa version chorégraphique que l'on doit à Nijinsky, pour une simple et bonne raison, c'est que il n'y a aucun enregistrement de cette chorégraphie. Il y a une œuvre qui a disparu et pourtant une prolifération de nombreuses versions. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 200 versions qui ont été faites autour de cette chorégraphie. Oui, alors en effet, ce qui est connu dans le Sacre du Printemps, c'est beaucoup la musique de Stravinsky, qui a été d'ailleurs l'occasion d'un scandale, puisque cette façon d'écrire la musique a été largement contestée en son temps. Et c'est ce qui fait que peut-être cette œuvre et son titre est dans toutes les mémoires. Mais il ne faut pas oublier en effet que cette musique a été écrite pour un ballet. En effet, un danseur génial, Nijinsky, à une époque où même si la photo photographie de Nicéphore Niépce venait d'être créée il y a quelques temps auparavant, elle n'était pas encore suffisamment dans les mœurs pour qu'on puisse mémoriser toutes les manifestations, tous les moments importants qui s'y déroulaient. Et on ne pouvait pas savoir évidemment non plus que ce serait un événement à ce point qui traverse le XXe et maintenant une bonne partie du XXIe siècle. Donc en effet, là, cette rencontre et le fait que beaucoup d'artistes souhaitent confronter leur appréhension de cet univers à la réalité qu'ils perçoivent, eh bien, témoigne de la force de cette œuvre. Et en effet, près de 200 ou plus de 200 tentatives et réalisations ont été faites sur la création de cette musique. Alors, dans le cas qui nous occupe, avec le projet de Dominique Brun, qui est une spécialiste de la recherche chorégraphique, c'est une scientifique quelque part. Elle est évidemment chorégraphe et danseuse, mais elle a une démarche tout à fait de scientifique en essayant de retrouver les fondements du Sacre du Printemps de Stravinsky et Nijinsky. Et alors, le projet est en deux temps. Il a eu lieu l'année dernière avec 197, qui était la pièce qui était la pièce, on pourrait dire, contemporaine, en cela que Dominique Brun a demandé à un certain nombre de danseurs de réinventer, à partir des quelques photographies, enfin, qui n'est pas des photographies, des dessins, pardon, oui, je me laisse aller, des dessins de Victorine Hugo de l'époque, oui, qui avait croqué les moments de spectacle et de répétition, mais il y en a très peu. Et donc, à partir de ces dessins, elle a demandé aux chorégraphes, qui étaient des danseurs en même temps, de réinventer une partition telle qu'ils le percevaient. Donc ça, c'était le projet de l'année dernière, donc sur un spectacle qui durait une heure à peu près, et sur une musique qui n'était pas celle de Stravinsky, puisqu'elle a demandé à un compositeur de créer une musique ad hoc. Et puis, la deuxième partie, ben, c'est celle de cette année, c'est celle qui consiste avec 35 à 40 danseurs, donc c'est une production très lourde, de recréer finalement le Sacre de Nijinsky avec, dans la vision de l'époque telle qu'elle nous a été transmise par les dessins, je l'évoquais, par les écrits, par toute une série de témoignages qui ont pu être recueillis depuis là. Et alors, l'ensemble du projet, c'est une seule et même soirée. Les deux parties sont évidemment sécables, si je puis dire, présentables séparément, mais l'idée, c'était véritablement pour Dominique Brun de réaliser l'ensemble du projet tel qu'il sera présenté dans un peu moins d'un mois maintenant au théâtre, et de mettre en première partie la création contemporaine du Sacre telle qu'elle le voit, et puis en seconde partie les 40 minutes, les 37 minutes précisément, de la musique de Stravinsky et des danseurs tels qu'on peut imaginer qu'elle a pu avoir lieu au début du XXe siècle. Donc c'est véritablement un projet qui est intéressant sur plusieurs plans, sur le plan ethnologique, sur le plan scientifique, sur le plan chorégraphique, sur le plan de la recherche et puis sur le plan de la dynamique aussi que cela crée avec les artistes et les théâtres qui sont associés à cette magnifique aventure. Sur la variation plus libre, je crois savoir qu'il y a une chanteuse qui interprète la composition. Oui, il y a aussi ça, cette innovation de vouloir essayer d'intégrer aussi le chant dans ce projet. Mais tout ça relève aussi d'une filiation et d'une recherche, je le redis, de la part de Dominique Brun, qui n'a pas réinventé ces choses, mais qui a essayé de repuiser au travers de tout ce qu'on a pu récolter comme source et comme information de cette époque, des témoignages qui visent à crédibiliser finalement la création, la recréation à laquelle nous allons assister dans quelques jours. Finissons cette information concernant ce sacre, ce dièse 197 qui a été accueilli l'an dernier en avril 2013 à l'Orange Bleu à Aubonne. C'était en effet le spectacle événement pour les Escales Danses 2013 en Val d'Oise. Retrouvez toute la programmation et les contacts sur le www.escaledansevaldoise.fr, escaledansevaldoise.fr. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Parmi nos invités pour cette émission aujourd'hui, Isabelle Morisot, vous êtes enseignante pour la filière danse au lycée Camille Claudel de Vauréal. Et avant d'évoquer avec vous et nos autres invités une actualité toute proche, 19 et 20 mars pour le Melting Pot 2014, vous allez d'abord nous présenter une, non pas une pause musicale, si ce n'est que c'est un moment de détente nécessairement, mais une proposition, une plage musicale que vous allez que vous avez sélectionné pour nous. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de La Madeleine au pied du Christ, qui est un opéra d'église de Antonio Caldara. Et donc, c'est un extrait, bien sûr, d'un mouvement de musique que je trouve être un élan pour la danse et que j'utilise beaucoup dans mes échauffements et dans un travail particulier en danse. Musique. Pianta adulta, vol tentar il curvo tronco, o che frangio che non può, o che frangio che non può. Sarà impotente, troppo a lungo e là e co, e là e co, troppo a lungo e là e co. Chi drizza pianta adulta vuol tentar il curvo tronco o che frangio che non può o che frangio che non può. L'action culturelle. Aujourd'hui, il sera question de Melting Pot, des rencontres interscolaires des arts. Pour en parler tout d'abord avec Aline Polos, qui est coordinatrice du pôle scolaire et collectivité à l'Apostrophe. Bonjour Aline. Bonjour José. Alors, je disais rencontres interscolaires, ce sont des rencontres autour d'une passion commune pour de nombreux, voire même de très nombreux scolaires. Alors scolaires, ils sont au collège, ils sont au lycée. Alors, ils sont au collège et au lycée, puisque l'enjeu de ce temps fort qu'est les Melting Pot est de mélanger justement les élèves, tant dans leur âge que dans leur pratique. Alors, je crois que pour cette édition 2014, c'est un peu comme les précédentes, de l'ordre de 450 élèves. C'est ça, même un peu plus cette année, puisque plus le temps passe, plus l'Apostrophe élargit aussi son action et ses partenariats. Donc, un petit peu plus normalement cette année, surprise la semaine prochaine. Avec, comme chaque année, des mots d'ordre qui donnent tout l'état d'esprit de ces deux journées, car il s'agit de deux jours complètes. Oui, tout à fait. Deux journées. Bien, donc, les mots d'ordre, c'est l'échange, le partage, l'ouverture d'esprit et la curiosité, l'envie de se découvrir un petit peu soi-même et puis surtout découvrir les autres dans leur pratique et dans ce qu'ils sont. Donc, autour du théâtre et de la danse, avec des ateliers menés par des artistes et en partenariat avec les enseignants qui encadrent les élèves. Donc, autour d'une thématique commune à tous. Avec quand même quelque chose qui semble tout à fait original dans la présentation, dans la proposition, ce ne sont pas juste des ateliers pour passer du temps, même de manière artistique, il va y avoir une présentation public, donc avec un vrai public. Exactement. Donc, à l'issue de ces deux journées, le jeudi 20 mars à 18h, nous ouvrons donc le Théâtre des Louvrais au public, au tout public. Donc, les individuels, les parents, les familles, mais les institutionnels aussi qui nous soutiennent, pour venir à la rencontre de ces restitutions de travail en chantier, puisqu'en deux jours, il s'agit quand même de quelques minutes de présentation, mais qui sont le reflet et de ce qui s'est passé pendant les Melting Pot, mais également de tout le cheminement que l'action est artistique dans laquelle est engagé les élèves, à laquelle ce cheminement aboutit. 15 artistes intervenants sont associés à cette belle aventure artistique, car il s'agit en effet d'une aventure artistique, comme on l'indiquait. Les élèves vont se répartir dans différents lieux, non seulement sur là où se situe le théâtre des Louvrais, mais pas seulement, sur le reste de la ville de Pontoise à cette occasion. Une trentaine d'enseignants sont également associés pour partager ces deux journées intenses, parmi lesquelles, eh bien, Isabelle Morisot, vous êtes enseignante filière danse au lycée Camille Claudel de Vauréal. Alors dites-nous un petit peu, je suppose que vous n'en êtes pas à votre première expérience avec l'apostrophe, avec la scène nationale de Cergy Pontoise. Quel intérêt voyez-vous dans une telle expérience intense, comme je disais, pour vos élèves ? Alors en effet, ce ne sera pas la première année, puisque j'enseigne au lycée Camille Claudel depuis l'année 2000. Donc j'ai participé à beaucoup de melting pot, j'ai vu des élèves découvrir ces ateliers et se réveiller. C'est une espèce de réveil, de rencontre avec les autres arts. Ça fait sens également avec l'enseignement qu'ils reçoivent, puisque évidemment ils sont là pour l'option danse, mais la danse n'est pas le seul art dont on parle dans cet enseignement, et voilà, on est à la croisée des chemins, et c'est une expérience à la fois humaine, puisqu'il y a des rencontres avec d'autres élèves d'autres établissements, et puis une rencontre aussi avec d'autres arts et d'autres formes de pratiques artistiques, et je trouve ça passionnant. C'est un moment particulier dans la scolarité pour ces élèves ? Tout à fait. Donc nous invitons toujours, c'est un passage obligé même, pour les élèves de seconde et les options facultatives de première. Nous laissons les terminales tranquilles parce qu'il y a l'enjeu du bac. Mais certains aimeraient bien quand même participer, même s'ils sont en terminale. Mais voilà, donc on privilégie cet engagement pour les élèves de seconde et les options facultatives de première. Je disais que le final, c'est la présentation de l'ensemble de ces travaux à la fin de la deuxième journée devant un public, un vrai public, les parents, les amis, le public qui fréquente la scène nationale de Cergy Pontoise et bien d'autres personnes. C'est forcément un moment particulier, c'est une pression particulière pour les élèves qui participent. Oui, c'est un temps fort, bien sûr. Bon, ils ont l'habitude, puisque avant les melting pot, on a les portes ouvertes du lycée, donc ils sont déjà sur scène. Là, ils vont aussi présenter une petite carte de visite sur scène, donc danser sur la scène des Louvrais, ce qui est quand même pas mal, puisque eux sont le plus souvent spectateurs au Louvrais. Mais oui, évidemment, c'est un temps fort de l'année, et ça les engage encore un peu plus dans leur participation. Pour les enseignants comme vous, c'est une manière de traduire de manière très concrète un partenariat avec une institution culturelle comme la scène nationale de Cergy Pontoise. Tout à fait, ça renforce les liens qui sont très étroits depuis déjà 13 ans. Et voilà, oui, on aime ce moment-là. Rien ne serait possible s'il n'y avait pas des artistes associés à cette aventure, parmi lesquels Bruno Ladet. Vous êtes comédien et metteur en scène. Dites-nous un petit peu comment vous vivez ces moments, cette rencontre ou ces rencontres interscolaires des arts, où différentes disciplines s'y croisent, danse et théâtre assurément, peut-être d'autres disciplines. Dites-nous un petit peu en ce qui vous concerne, comment ça se passe. Donc moi j'interviens, donc je suis l'artiste qui intervient avec les groupes qui sont composés. Donc dans les groupes, tout à l'heure Aline l'a rappelé, il y a des danseurs, des comédiens, et peut-être d'autres disciplines, ça dépend des années. Et chaque élève a un niveau différent, des âges différents, donc voilà, c'est vraiment très hétérogène. Et il y a un thème qui est tiré au sort, et la mission que je me fixe, moi, en tant qu'artiste, c'est de faire en sorte que la créativité de tous ces élèves puisse s'exprimer au mieux, et qu'on arrive, qu'on aboutisse ensemble à la création d'une petite forme de 5 à 7 minutes, voilà, artistique, et que ce soit un travail vraiment collectif, que chacun puisse amener sa patte, et que voilà, c'est pas à moi en tant qu'artiste d'imposer les choses, vraiment le travail consiste à ce que chacun amène une pierre à cet édifice commun. En même temps, c'est un temps court, 2 journées. Dès la première journée, s'il faut déjà avoir repéré ceux qui ont du potentiel ou pas, c'est ça ? Non, moi je vois pas les choses comme ça. C'est vraiment, en tout cas, j'essaye de voir un peu ce que chacun peut apporter, effectivement. Mais l'idée, c'est qu'on ait un travail commun, et que évidemment certains ont une pratique plus aboutie parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils ont dans la semaine plus d'heures de théâtre ou de danse. Mais l'idée, c'est que justement, il y a une émulation entre chaque niveau, entre les disciplines, et aussi au niveau de l'âge. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à un travail commun. En même temps, c'est une performance à la fois pour les élèves qui vont se présenter et présenter le résultat de ce travail à la fin de la deuxième journée, mais c'est aussi une performance pour les comédiens que vous êtes, puisque je rappelle, 500 élèves pour 15, c'est ça, pour 15 artistes, comédiens, ce metteur en scène, oui, c'est une grosse performance, non ? Ça nous fait des groupes de 30, je crois, ou à peu près. Oui, c'est une performance, mais je crois que tout le monde est là et de bonne composition. Les élèves qui sont là sont très motivés, ont envie d'être là et ont envie de faire des choses ensemble. Donc du coup, finalement, le nombre est peut-être des fois un atout, parce que chacun amène quelque chose, et il n'y a jamais de problème de discipline, de dispersion. En tout cas, moi... Les expériences que j'ai eues, ça a toujours été des expériences très heureuses. Là-dessus. Voilà, il y a une vraie motivation partagée. Alors oui, jouer, danser, créer ensemble, ça fait partie des mots d'ordre de ces rencontres interscolaires des arts. Très rapidement, Aline, nous dire le déroulé, parce qu'il y a effectivement un programme très précis, très cadré sur ces 2 journées. Oui, très cadré, parce que au vu du nombre, il le faut bien. Très rapidement, le mercredi, donc sur la première journée, le matin, l'intégralité des groupes d'élèves présente une petite carte de visite d'un peu moins de 5 minutes, reflet en fait de leur travail d'année, pour se présenter en tant que groupe constitué avec leur enseignant, et pour un petit peu briser la glace et faire déjà un peu connaissance avec les autres. Donc l'ensemble des élèves sont dans la salle du Théâtre des Louvrais et passe groupe après groupe sur le plateau. Puis on tire au sort la thématique donc de travail qui sera commune à partir de l'après-midi. Il y en a 5. Cette année, nous aurons donc le choix entre le monstrueux, frontières, trans, intempéries, et ouvrez la cage. Ça veut dire que les élèves ont déjà commencé à réfléchir sur ces 5 thèmes ? Alors les élèves, non, parce que eux, ils découvrent totalement. Mais par les comédiens, contre, oui. Les comédiens, les danseurs, chorégraphes et les enseignants, eux, on les a déterminés ensemble. Donc eux le savent déjà. Et puis donc ensuite, l'après-midi est consacré à un premier atelier de travail. On se sépare à la suite de cet atelier, on se retrouve le jeudi matin pour le deuxième temps d'atelier, et à midi et demi, quand la matinée se termine, ils doivent avoir leur petite scénette à présenter le soir. L'après-midi du jeudi étant consacré à un filage sur le plateau du Théâtre des Louvrais pour que chacun prenne ses marques, un temps de retravail et puis un petit peu de détente aussi parce qu'il faut bien qu'il y ait une respiration avant donc la présentation publique à 18h en présence de nos partenaires que je me permets de rappeler rapidement mais qui sont la délégation académique à l'action culturelle du rectorat de Versailles, de la DRAC Île-de-France et de l'inspection académique du Val-d'Oise. On sait l'essentiel. Juste un mot pour ceux qui auraient envie de participer à de telles rencontres. Côté enseignant, quel mot vous pourriez adresser à d'autres enseignants qui ne profitent pas encore de ces rencontres, Isabelle Morisot? Rencontre, richesse, humanité, plaisir. On voit bien qu'entre le monde de l'éducation et le monde de la culture, il y a des passerelles nécessaires et vous profitez, surtout les élèves qui sont dans ces différents établissements profitent. Ils viennent des quatre coins du département du Val-d'Oise, précisons-le. Exactement, même un petit peu au-delà puisqu'on en a qui viennent des Yvelines. Merci Aline, merci Isabelle Morisot, merci Bruno Ladès. Ainsi s'achève notre émission. Remerciements à l'ensemble de nos invités, Rachidou Ramdan, le chorégraphe pour le spectacle Police, Isabelle Morisot, Bruno Ladès, Aline Polo pour Melting Pot 2014, les rencontres interscolaires des arts. Et remerciements évidemment à Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'Apostrophe, qui nous a présenté aujourd'hui tout particulièrement différents spectacles à l'affiche des Escales Danses en Val-d'Oise qui se poursuit jusqu'au 11 avril prochain. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Jérôme Lotelier qui l'a réalisée toujours avec brio. Cette émission animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi 15 mars de 9 à 10 heures sur votre radio locale RGB, sur le 99.2 FM ainsi que sur internet au www.radio-rgb.net puis disponible ensuite sur votre site en podcast. Pour le prochain numéro de l'Apostrophe l'émission, rendez-vous est donné pour vous le mercredi 9 avril de 19 à 20h sur RGB sur le 99.2 FM. Au plaisir de vous retrouver à l'Apostrophe à Cergy Pontoise ou sur votre radio locale. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.